Cool. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 480C. C'est pour couvre-feu, puisque du côté de Bordeaux, on n'a pas le droit de sortir après 20h. Et manque de bol, l'émission commence à 20h. Donc, je continue à la faire depuis la maison. C'est le home recording numéro 20. L'album de la semaine, ce sera Ben on the Run, sorti en 1973 par un Paul McCartney très inspiré, voilà, c'est le mot que je cherchais, très inspiré. On écoutera Ben on the Run, Jet, Picasso's Last Words, Mamonia, No Words, et on terminera bien entendu avec l'étonnant, le fantastique 1985. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Give Me Some Truth en 1971 sur l'album Imagine. Il y aura également pour George Harrison, Sue Me, Sue You Blues sur Living in a Material World en 73. En 70 sur Sentimental Journée, c'est I'm a Fool to Care que chante Ringo Starr. Quant aux Beatles, je vous proposerai pas vraiment de Magical Mystery Tour en 1967. Pourquoi j'ai mis les chiffres à l'envers? 1967, ce sera Your Mother Should Know, mais pas la version du CD, ce sera la première prise de Your Mother Should Know. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Voilà, pour le reste, eh bien, vous verrez bien au fur et à mesure. Il y a un peu plus, je crois, 33 ou 34 chansons de programmer. Donc ça risque d'être bien. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous mettre une photo, vous allez voir que je fais ça très tôt le matin, il est 8h30 et quelques. Il fait encore pas encore vraiment jour, et donc je me suis amusé à prendre la photo à moitié dans le noir avec les appareils allumés. Mais ça va bien se passer. Je fais de la radio le matin pour vous le soir, et encore pour dans longtemps, puisque ce sera pour le 20 janvier. Mais au moment où vous écoutez ça, nous sommes le 20 janvier. Allez, place à la musique, Ben on the Run, Paul McCartney. A tout de suite. Thank you. bien, petite remarque, parce qu'on est entre nous, pour la différence entre l'intelligence artificielle et l'animateur qui est derrière les manettes. Là, vous avez vu, l'enchaînement a été mauvais entre la première chanson, Ben on the Run, et Give Me Some Truth, parce que c'est réglé de façon à ce que la première chanson dure encore 2-3 secondes, alors que la deuxième chanson démarre, ce qu'on appelle cut, donc démarre immédiatement. À l'oreille, j'aurais attendu un peu. Là, l'ordinateur, lui, il s'en fiche, et on lui a donné ça comme données, et du coup, il fait ça sans écouter si ça sonne bien ou si ça sonne mal. Et l'embêtant, c'est que vu que ça a démarré directement sur des paroles, je ne pourrais pas attraper ça en post-production. Voilà, c'était histoire de vous donner des petits secrets de la saga des Fab Four. J'ai voulu utiliser des logiciels parce que c'est plus moderne, et c'est vrai que c'est bien 9 fois sur 10, mais de temps en temps, ça rate. On va pas en faire un procès. Ben là, c'est le procès, justement. Sous Me, Sous You Blues, George Harrison. en fait, ceux qui surprennent le plus en 1970, ça n'est pas vraiment Paul McCartney et John Lennon, lesquels font l'inverse du dernier album enregistré par les Beatles. Le dernier album enregistré, c'est Abbey Road, et McCartney, tout comme Lennon, font un album le plus simplement possible, avec le moins d'orchestration possible, donc tous les deux sont sur la même longueur d'onde sur ce truc-là. Alors que George Harrison se déverse de tout ce qu'il avait gardé du temps des Beatles et pas enregistré, parce qu'il n'avait pas assez de place sur le disque pour pouvoir mettre ses chansons, donc il nous sort un album absolument fabuleux, All Things Must Pass. Quant à Ringo Starr, il en enchaîne, il en enregistre aussi deux la même année, de Sentimental Journey, dont on va entendre un extrait, qui était un recueil de chansons des années 30-40 peut-être, et qu'il, d'après ses dires, avait enregistré pour faire plaisir à sa maman, et un album enregistré à Nashville de musique country, ben pour le plaisir aussi, pour son plaisir, et là, c'est surprenant parce qu'on n'attendait pas Ringo Starr de ce côté-là. Voici Ringo, I'm a Fool to Care, dans la saga des Fab Four. I'm a fool to care when you treat me this way. I know I love you, but what can I do? I'm a fool to care. I'm a fool to cry when you tell me goodbye. You left me so blue when you were untrue. I'm a fool to care. I know I should laugh and call it a day, but I know cry if you went away. I'm a fool to care when you don't care for me. So why should I pretend I'm losing the end? I'm a fool to care. John Lennon, George Harrison, Ringo Starr, il ne reste plus qu'à parler des Beatles. Et pour parler des Beatles, il faut parler du meilleur site pour tout comprendre, pour tout savoir sur les Beatles. C'est celui de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. Before your mother was born, though she was born j'étais en train de penser une sorte de Mother Should Know Naked. Ouais, ben quand même, respect pour les mamans. Allez, l'album de la semaine, Jet. Montez le son, ça, c'est extraordinaire. Jet, dans la saga des Fab Four. La saga des Fab Four, la seule émission hebdomadaire qui a commencé en 1984 et qui continue. Saga des Fab Four précédentes, je vous avais proposé Jealous Guy en 1971 par John Lennon, et je vous avais dit que à l'origine, cette chanson s'appelait Child of Nature, composée en 1968. Pendant très longtemps, cette chanson était un pirate, si on peut dire. Oui, même on peut le dire. Et puis est arrivé les 50 ans de l'album blanc, 50 ans grâce auxquels on a pu voir apparaître en officiel les Escher Demos, et donc je vous propose la chanson Child of Nature, qui jusqu'à 2018 n'était jamais sortie officiellement par les Beatles. La voici. On the road to Rishikesh, I was dreaming more.

Les Beatles en 1968 sur l'album blanc avec un John Lennon qui hésite. If you want a revolution, don't you know that you can count me out? In, ça veut dire si vous voulez la révolution, vous, est-ce que vous ne savez pas que vous pouvez compter sur, vous ne comptez pas sur moi, ou peut-être que si. Voilà comment on pourrait traduire ça. Allez, on revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Ben on the Run, et ce titre que Dustin Hoffman a vu créé par Paul McCartney. Il parlait comme ça, et à un moment donné, Dustin Hoffman lui dit « Est-ce que tu peux créer une chanson comme ça, pratiquement à la demande ?» Et évidemment, il ne faut pas faire ce genre de défi à Paul McCartney. Et en parlant, il disait que la dernière chose qu'aurait dit Picasso, c'était « Buvez à ma santé, parce que moi, je peux plus. » Et il a vu les bases de la chanson créées sous ses yeux en quelques minutes. Les bases, hein, je ne dis pas la totalité de la chanson. Et donc c'est la puissance de ce grand Paul McCartney. Mais je ne sais pas si vous savez, c'est mon chouchou, c'est mon préféré. Voici Picasso's Last Words dans la saga des Fab Four. Grand old painter died last night. His paintings on the wall. Before he went, he bade us well and said good night to us all. Drink to my health. You know I can't drink anymore. Drink to my health. You know I can't drink anymore. In the morning, I'm getting ready for bed. It came without a warning, but I'll be waiting for you, baby. I'll be waiting for you there. So drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Ce que je souhaite, c'est que grâce aux campagnes publicitaires de nombreux Français, on découvre les chars. Alors je vous rappelle, notre service d'aide touristique est à votre entière disposition. Vous savez, nous envoyons gratuitement une série de guides, une liste d'adresses. We'll be right back. guide pour tourisme automobile avec une traduction du code de la route en anglais, en français. For Saga, right here on your radio with the Regale. Yeah. curieusement, John Lennon avait l'impression de se sentir plus libre à New York qu'à Londres. À Londres, il était reconnu, et à New York, il pouvait passer pour quelqu'un d'ordinaire. C'est ce qu'il disait lui, hein. Je vois pas trop ce que ça change, mais bon. Il avait élu domicile à New York, il s'y sentait bien, jusque malheureusement à ce qui s'est passé au mois de décembre 1980, mais on ne reviendra pas dessus. Pour la chanson suivante, nous revenons en 1969 par contre, et cette chanson que Lennon avait critiquée en disant « Moi je l'aurais chanté mieux, c'est plutôt pour moi cette chanson-là ». Et lui, Paul McCartney, il a essayé de hurler autant qu'il pouvait parce qu'il avait envie de la chanter comme ça. « Oh darling !» sur RIG. Alors RIG, c'est la radio sur laquelle normalement on diffuse cette émission, c'est 90.7 ou c'est www.rigfm.fr. Pour l'instant, tant qu'on est en couvre-feu, je fais l'émission depuis chez moi. C'est l'émission 480C, pour vous indiquer que ça n'est pas normal. C n'est pas normal. Et bien, dès qu'on pourra, on reviendra à la radio. De toute façon, j'espère que ça arrivera vite, parce que c'est vrai que c'est plus compliqué pour moi de le faire à la maison. Voici Oh Darling sur RIG, donc, la radio normale des Beatles. Oh Darling, here comes the sun, I say, it's all right. George Harrison, il faisait nuit quand j'ai commencé l'enregistrement de cette émission, et là, le jour se lève, mais il y a du brouillard. Donc, Here Comes the Sun, mais avec du fog. Voilà, c'était l'envie du moment de vous dire ça, et je vous propose de poursuivre avec George Harrison, mais en 1976, sur l'album 33 and 1/3, voici Dear One. George Harrison à l'instant, donc en 1976 avec, bah c'est vrai qu'il a beaucoup fait dans le religieux, là, Dear One, il parle à son Dieu, mais bon, on n'est pas obligé d'être là-dedans pour dire que c'est une belle chanson, parce que j'aime bien le synthé qu'il y a dessus et tout ça, c'est très très sympa. Voilà, vous écoutez la saga des Fab Four, la saga numéro 480C, c'est pour couvre-feu, puisque je l'enregistre à la maison. Vous voulez que je vous donne l'heure ? Allez, je vous donne l'heure, mais exceptionnellement, parce que ça correspondra pas du tout le 20 janvier. Il est 9h44 au moment où j'enregistre cette émission, 9h44 du matin, alors que l'émission d'avant, je l'ai fait enregistrer dans la nuit. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave, on revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Ben on the Run, sorti en 1973 par Paul McCartney, et le titre du morceau, c'est Mamounia. Thank you. La chanson en 17e position marque toujours la cover de l'émission. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou en solo. Et même si eux-mêmes, dans leur discographie, chantaient déjà, c'est déjà la reprise de quelqu'un de connu, genre Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins, qui vous voulez. Bref, c'est quelqu'un de connu ou pas, ça pourrait très bien être vous, et là il se trouve que c'est quelqu'un de connu, voire même de très connu. Quelqu'un qui a même piqué les titres Beatles à McCartney en 84, je crois, et ça ne lui a pas fait trop plaisir. Et pourtant c'est McCartney lui-même qui avait dit « il faudrait que tu investisses dans l'édition, ce serait bien ». C'est Michael Jackson, vous avez deviné, qui nous reprend « Come Together » dans une version qui se tient, qui est moderne. Je préfère évidemment la version normale des Beatles, mais celle-ci se tient aussi. Cette chanson sur la compile History, Past, Present and Future, sortie en 1995 par Michael Jackson. Vous savez qu'après la cover, c'est le nouveau point de 2020, celui que j'avais rajouté l'année dernière, celui qui consiste à passer des chansons des fils d'eux ou des ressemblants à, etc. Ou même des qui ont travaillé avec, par exemple, Mark Hudson. Mark Hudson a travaillé pendant un paquet d'années avec Ringo Starr et c'était bien ce qu'il faisait, j'aimais bien. Et il s'est remis à travailler seul, je crois qu'il y a une petite brouille, il me semble, entre deux. Et voici une chanson donc, qui est dans le bon style, parce qu'il mettait aussi sa patte sur les chansons de Ringo Starr pendant ces années-là. Voici Forget You Too par Mark Hudson, c'est sorti en 2014 et j'aime bien. I still see you so far above me. Cheap thrills, well, I've had my fill. They just empty your heart and your pocket. Ooh-wee, well, it's so good to be fighting your love like a rocket. Now I'm just a one-woman man. Before the sun goes down, oh, I wanna see you. Oh, I wanna see you again right now. I still wonder how. I keep asking myself, am I dreaming? We two, it's just me and you. You have given this song a new meaning. Girl, I hope you understand. Now I'm just a one-woman man. Before the sun goes down, oh, I wanna see you. Oh, I wanna see you again right now. It's a simple lesson. It's a simple lesson. En 1977, Simple Love Song, Ringo Starr. Je vous l'ai dit, même sur des albums faibles, on trouve toujours des chansons intéressantes chez les quatre. Là, c'est le cas. Simple Love Song, c'est pas du tout un chef-d'œuvre, mais ça écoute, ça s'écoute. Voici extrait de l'album Love, Drive My Car. La saga des Fab Four numéro 480, c'est une saga des Fab Four enregistrée à la maison dans les conditions du direct. Je ne ferai que couper des morceaux sur lesquels je bafouille ou des erreurs de musique, de rattrapage, de lancement, de ce que vous voulez. Mais sinon, dans le reste du temps, c'est comme si nous étions à la radio. La radio qui, en principe, je vous le rappelle, c'est RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. Si je ne suis pas à la radio, c'est parce que le couvre-feu m'impose de ne pas être dehors à 20h. Et il se trouve que l'émission le mercredi sur RIG, c'est à 20h. Pas de bol. Donc, je le fais à la maison depuis quelques temps. C'est la 20e émission enregistrée depuis le début du confinement, depuis le premier confinement. Voici l'album de la semaine, une dernière fois ou une avant-dernière fois. Voyons voir, une avant-dernière fois, ou même une antépénultième fois, puisqu'il y en a encore deux. Avec No Words dans la saga des Fab Four. Run to the station. Man says you got the wrong great scoop. Back, back, back, back, back. Yeah, yeah, yeah, yeah. Two of us riding nowhere, spending someone's driving, not arriving on our way back home. We're on our way home. We're on our way home. We're going home. Two of us send cards, writing letters on my wall. You and me burning matches, lifting latches on our way back home. We're on our way home. We're on our way home. We're going. Extrait de l'album Let It Be Naked dans la saga des Fab Four. I keep forgetting you don't love me no more. I keep forgetting you don't want me no more. I keep forgetting that you told me that you didn't want me around. But these stupid old feet just head for your street, like they've done so many times before. And this stubborn old fist on the end of my wrist starts knocking on your front door. I keep forgetting you don't love me no more. I keep forgetting you don't want me no more. I keep forgetting about those heartbreaking nights and those heartbreaking things that you said. You don't love me no more. Première fois que je vous dis que Ringo Starr a repris les rênes de sa comment dire de la suite des Beatles, donc de sa carrière, voilà, c'est le mot que je cherchais, après 1981, puisque là nous sommes en 1983, et franchement cette chanson là elle est bien. I Keep Forgetting sur Old Wave. Oh, salut Paul. We Got Married en 1989 sur le fantastique album Flowers in the Dirt. Coming soon, we made love in the afternoon. Found a flat, after that, we got married. Working hard for the dream, scoring goals for the other team. Times were bad, we were glad, we got married. Each other. When you find the meeting of the minds, it's just as well. Love was all we ever wanted. It was all we ever had. Further on in the game, waiting up till the children came. Place your bets, no regrets. We got married. We got married. We got married. Yeah. qui se rappelle d'avoir entendu cette chanson en concert? Il me semble bien qu'il a chanté en concert. Oui, oui, oui, et je l'ai vu. Parce que j'ai vu McCartney pour la première fois en 1989. On revient à l'album de la semaine. Là, je ne l'ai pas vu à l'époque en concert, en 73. J'étais trop jeune. Mais ce titre, Mrs. Vanderbilt, il l'a chanté ensuite, plus tard, en concert. Et ça sonne vraiment pour le public. C'est parfait. Oh, hey ho, oh, hey ho. Tous ensemble, hein, bien sûr. You never think.

sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I just need someone to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Yes, I get by with a little help from my friends. With a little help from my friends. Cela n'est pas extrait de l'album Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, c'est extrait de l'album Yellow Submarine Song Track, sorti en 1999. À quoi est-ce qu'on reconnaît la différence? Eh bien, entre les deux chansons, c'est pas la même prise. McCartney pousse un yeah qui ne pousse pas dans la version du Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Ah oui, il faut être un fan, il faut être futé. C'est assez subtil, c'est pour les fans. Et puis c'est bien comme ça. Voici une chanson de John Lennon qui était une face B et qui aurait pu disparaître sans aucun problème. C'est assez répétitif, ça n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est sympa quand même. Do the Oz, c'est le titre. Et vous allez le reconnaître puisqu'il n'arrête pas de le dire. Yeah. franchement, je suis pas fan. Et surtout si on ajoute qu'on entend beaucoup trop maman avec ce wouh comme ça. J'aurais préféré mettre du saxo dessus, par exemple, ça aurait été mieux, du saxo, mais bon, voilà. Même John Lennon faisait quelquefois des chansons qui n'étaient pas forcément extraordinaires. Oui, ça lui arrivait aussi. McCartney, ça lui arrive moins. Comme par exemple, sur cette chanson-là, la chanson qui termine quasiment l'album 1985 sur Ben on the Run, et ça termine en tout cas l'album de la semaine de cette émission.

beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere. Knowing love is to share. Each one believing that love never dies. Watching her eyes and hoping I'm all. Paul McCartney here, and you're listening to Widescreen Radio. Thank you. 1993. Il me semble que c'est 1993. Enfin, c'est les bonus de Off the Ground. Style. Et je vous en mets un autre pour le même prix. Allez, ce sera Long Leather Coat pour terminer cette émission. J'espère que ça vous a plu. C'est la fin de la saga juste avec ça. Said she, no one to phone, no one to touch me. On the way, said the man in the long leather coat as he started his car. I'm glad you came, said she. You got my note, you understood it. He smiled as he hung up his long leather coat on the back of the door. Go on, baby, step right in. Help yourself to a handful of everything inside and let the party begin. Go on, baby, step right in. Help yourself to a handful of everything inside. Let the party begin. Merci d'avoir écouté cette saga des Fab Four numéro 480. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ben, toujours pareil, hein. Toujours pareil. Je ne sais pas si ce sera en direct à la radio ou si ce sera en confiné ou en couvre-feu. couvre-feu, peut-être, j'espère, se confiner, s'il vous plaît, non. Bon, allez, haut les cœurs, et puis n'oubliez pas, les Beatles, c'est love, love, love, et encore love. À très très bientôt, salut, ciao.